maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sorgia FM, Sorgia FM. Allez, on danse encore le mambo. Si je vous dis les petits pains au chocolat, vous allez me dire Joe Dassin, eh bien pas du tout, et ce n'est pas du tout la même chanson. Voici les petits pains au chocolat par Charles Aznavour. On dévalait les rues dans les caisses à roulettes qu'on avait fabriquées de nos mains fièrement. On semait la panique en hurlant à tue-tête, renversant des cajots, du légume en passant. On se croyait malin, on tirait les sonnettes, faisait des bras d'honneur au concierge furieux. En riant bêtement, on suivait les lymphettes qui haussaient les épaules et détournaient les yeux. Cartable dans le dos en sortant de l'école, dans nos tabliers noirs, de l'encre plein les doigts. On s'affrontait sérieux, soit dans des courses folles, soit on jouait aux billes, comme on fait un tournoi. Entre les roues doudous, les bâtons de réglisse, souvent on chapardait, Dieu nous pardonnera. Sans remords ni regrets, par jeu plus que par vice, des petits pains au chocolat. Prenant au sérieux, on roulait l'air bébête, des petits mégots dans du papier riz la croix, que loin de nos parents on fumait en cachette, et que fatalement on vomissait parfois. On se croyait des hommes et vivait sans complexe. Tout était devant nous, l'avenir et l'espoir. On parlait librement et d'amour et de sexe. On s'en vantait surtout, le reste était à voir. C'était hier au temps béni de l'insouciance. Tout nous était offert et tout nous était dû. Quand nous ne savions pas que nous avions la chance d'être entourés d'amour, c'est plus tard que j'ai su. Les parents nous payaient en sortant de l'église, enveloppés tout frais dans du papier de soie, comme un cadeau du ciel, exquise friandise, petit pain au chocolat. Quand je suis triste et seul, que l'âge me tracasse, que ma mélancolie me fait son cinéma, je me revois mangeant à la sortie des classes des petits pains tout frais au chocolat. J'ai la gorge serrée, le regard humide, mon cœur pétri d'hier et forgé de regrets. Si mes jours sont sereins, ma vie porte ses rides. Du mal de son enfance, on ne guérit jamais. Mes parents à présent reposent sous la pierre. Mes enfants ont construit ailleurs leur avenir. Entre télé du soir et tâches ménagères, ma femme et moi vivons au champ des souvenirs. Des souvenirs pavés des bruits de notre histoire, des photos sur les murs de ma famille et moi, du goût et du parfum présents dans nos mémoires. Des petits pains au chocolat. L'univers d'Arlette sur Sorgia FM. Nos montagnes aussi chantent le printemps. Avez-vous déjà écouté le chant des torrents, celui des oiseaux? Ah oui. Et même les chamois et les bouquetins sautent de joie entre les rochers. Au printemps, tout ce petit monde nous offre une chanson à qui sait les écouter, bien sûr. Ah oui. Et c'est une mélodie. La musique est de nos amis Hubert Ledent et Christophe Pesset. La mélodie des cimes. Et c'est chanté par Arlette, bien sûr. Jolie valse d'amour que nous chantent les oiseaux. Mélodie des cimes, paysage de senteurs, arc-en-ciel aux mille couleurs. Pour vous c'est quelques rimes que notre beau pays vous offre de tout cœur. La mélodie des cimes sera pour vous un bouquet de fleurs. Pour chanter en passant, le ciel devient poète. Fait bercer par le vent quelques nuages blancs. Dans les prés se balancent les frêles linaigrettes. Pour charmer les premiers papillons du printemps. Doux refrain de la route nous a composé l'écho. Mélodie des cimes, jolie valse d'amour que nous chantent tous les oiseaux. Mélodie des cimes, paysage de senteurs, arc-en-ciel aux mille couleurs. Pour vous c'est quelques rimes que notre beau pays vous offre de tout cœur. La mélodie des cimes sera pour vous un bouquet de fleurs. En jouant dans le vent, un grand aigle dessine. Encerclant lentement le dessus des troupeaux. En sautant les chamois dévalant la colline. En frappant du bout de leurs sabots. Thank you. fait que chanter cette jolie romance inspirée par l'été. Quand le ciel est tout bleu, que s'envolent les mots. Quand il pleut, dans nos cœurs il fait beau. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur GFM. Allez Christophe, on continue notre voyage en Italie. Avec Athos et Sabrina, on nous demande souvent les danses en ligne et notamment la bachata. Ouais. Je vous propose d'écouter maintenant ce morceau qui s'appelle, je sais pas si je vais bien le dire, mais c'est Echucha. Eh ben écoute, on va dire que c'est Echucha puis c'est tout. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Allez, on écoute. On y va. Charmant.

valse, valse, ma valserine. J'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle sonne et clarine. C'est le chant de mon pays. Au mont Jura, étrange sortilège qui prend naissance au Valmijou. Si le vent frais vient du près de la neige, le vent du soir nous rendra fous. Oh, ma vallée la plus verte du monde, ma valserine au nom d'encens. C'est dans ton calme et ta douceur profonde que je voudrais vivre cent ans. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. Valse, valse, ma valserine, j'écoute ton clair gazouille. Autour d'elle, sonne et clarine, c'est le chant de mon pays. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe Pesset sur Sorgia FM. Allez, je suis sûr que tu as encore un tout petit peu d'Italie dans ta musette, Christophe. Eh bien oui, mais cette fois-ci, je te propose un tango argentin. Oh! Liber Tango, tu connais ? Ah oui, bien sûr, Liber Tango, hyper connu ça. Voilà, un grand classique, en plus joué divinement bien par Athos Bassissi. On l'écoute maintenant. Merci Christophe, à la semaine prochaine. Et c'est Fabrice Peluso qui va vous faire danser le slow. Nous allons rester avec Monsieur Fabrice Peluso et cette fois-ci il nous interprète avec brio, il faut le dire, le pâtre des montagnes. Thank you. concert d'Arlette sur Sorgia FM. Dès que le printemps revient, c'est une balade écrite par Jacques Plante à la gloire du printemps, présentée au concours Eurovision de la chanson en 1964. Du genre folk pop, elle sera classée 4e. Composée et chantée par Hugo Frey, dès que le printemps revient, Hugo Frey. Les filles sont jolies dès que le printemps est là. Dès que le printemps est là. Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en Normandie. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. À ses yeux, dès que le printemps est là. Dès que le printemps est là. Je revois nos adieux, dès que le printemps s'en va. Dès que le printemps s'en va. Et son image rôde au détour de mon chemin, quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient. Dès que le printemps revient. Il est temps de retrouver un petit peu de douceur avec Alain Morison et les Sweet People. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Allez, on va se dire au revoir. Merci encore à toutes et à tous. Et puis, on va dire au revoir à Arlette. Eh oui, Hubert, l'heure est venue. Il faut se quitter. Eh oui. Alors, à bientôt. Un gros bisou à tous. Et à la semaine prochaine. Au revoir, Hubert. Gros bisou, Arlette. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. S'il te prend l'envie de m'écrire un matin de mélancolie avec l'encre du souvenir et les bons baisers de l'oubli, n'hésite qu'un instant à peine. Tu ne m'as jamais dérangé. Mon amour est toujours le même, car mon cœur n'a jamais changé. Je reconnaîtrai l'écriture comme un signe aperçu de loin. Je lirai même les ratures, l'absence de littérature, et tous les mots après la fin, et tous les mots après la fin. Si tu as mal à une histoire dont je ne suis pas le héros, assieds-toi devant l'écritoire, verse ton cœur dans un stylo. Il sera là le brave type, le bon vieux copain toujours prêt, l'autre moitié de cette équipe que nous formions à l'imparfait. Je comprendrai entre les lignes, ce sont les lignes de ta main, et je déchiffrerai les signes du galopin qui se résigne à appeler n'importe qui, à appeler n'importe qui. Si sur la buée de ta fenêtre un jour ton désespoir, envoie-le-moi comme une lettre, je la lirai comme un miroir. Je la lirai parce que je t'aime, en majuscule, en abrégé, et je partagerai ta peine. Mon amour est toujours le même, car mon cœur n'a jamais changé. Car mon cœur n'a jamais changé. Car mon cœur n'a jamais changé. Sorgia FM. Sorgia FM.